Yafo. Ouais. On est bien sur Génération 2000, tonton. On vient de s'écouter un morceau de Tupac qui est avec nous dans le studio. On va essayer de se prendre un auditeur Tups. Okay. On dit quoi? Pépé. Allô? Allô? Allô? Allô, c'est bien Princesse Annie? Ah non, là c'est Princesse Agnès. Bah te pas, j'aime bien ce que tu fais. Eh, mais tu fais quoi dans la vie? Bah, je suis rappeuse. Ah! Et attends, pourquoi tu rigoles là? Je t'en prie parce que je me demande si t'es pas un petit bonhomme. Ah ouais, je t'imagine déjà sur scène, c'est une casquette sur un gnome. Tu pousses le vis quand tu vas dans les toilettes des hommes. En plus, je t'ai aigri, tu restes debout. T'enlèves pas ton baguette, t'en fous partout. Le plus marrant t'arrive, le 28ème jour en sang, tu me fais des wesh wesh. Regarde, je viens de me faire tes plans si tu deviens mère. Mais qu'est-ce que tu diras à tes gosses? Maman, à moi, c'est un gang dans le rap, c'est une bosse. Hey, écoute-moi, je suis fier de ce que je suis, fier de mon art. Je casse tes préjugés, tu sais que j'ai plus d'une flèche à mon arc. À mon âge, j'écoute plus les caricatures des médisants. J'ai compris que dans le son, je devais me battre dur. Des médisants, je vois que t'as que le cliché, qu'aujourd'hui tu t'es lâché. Tu sous-estimes les femmes dans le rap, t'es le premier à les clasher. Je suis le talent caché, une femme au mic qui te fait de l'ombre. Depuis de longues années, je m'impose, j'ai plus d'une bombe lyricale que je viens poser. J'arrête tout de suite ici car y'a pas de place pour le sexe, frère. J'ai clashé, cassé tous tes clichés, que mon texte te plaît. Arrête s'il te plaît, tu prendras la parole quand je te la donne. J'ai changé la donne, besoin de personne, je me façonne sans qu'on me pressionne. J'arrête tout de suite ici car y'a pas de place pour le sexe, frère. J'ai clashé, cassé tous tes clichés, que mon texte te plaît. Arrête s'il te plaît, tu prendras la parole quand je te la donne. J'ai changé la donne, besoin de personne, je me façonne sans qu'on me pressionne. En France, y'a 4 meufs qui rappent, mais aspirent dans les pattes. T'as une chance de réussir en couchant ou en tirant les cartes. Et pire, on les mate, tu crois que c'est sincère. Ils disent que tu déchires, ils n'ont qu'une idée sans le dire, c'est te serre. Tu devrais dire s'il y a aussi peu de femmes dans ce milieu, c'est peut-être à cause des mecs qui s'imaginent chaque rappeuse dans leur pieu. Pas besoin de coucher pour réussir, je vais parler mon talent, juste des rimes à donner. Enlève ta tête, le string et les talons. Au moins j'espère que t'écris tes textes, t'es pas juste une secrétaire. Oh, évite de salir en crachant par terre, tu réponds avec. Et je m'en bats les couilles, putain, c'est grave. Je viens de comprendre en fait, je fais un clash avec un frère. Normal, je suis obligé d'assumer pour deux, tu vaux rien. Mais qu'est-ce que tu fous ici? T'as que la bouche pour parler, qu'est-ce que tu dis ce coup-ci? Je crache juste une fois de plus sur ta mentalité puérile. Je te laisse dans ton délire avec ton soi-disant côté. T'es viril. J'arrête tout de suite ici car y'a pas de place pour le sexe, frère. J'ai clashé, cassé tous tes clichés, que mon texte te plaît. Arrête s'il te plaît, tu prendras la parole quand je te la donne. J'ai changé la donne, besoin de personne, je me façonne sans qu'on me pressionne. J'arrête tout de suite ici car y'a pas de place pour le sexe, frère. J'ai clashé, cassé tous tes clichés, que mon texte te plaît. Arrête s'il te plaît, tu prendras la parole quand je te la donne. J'ai changé la donne, besoin de personne, je me façonne sans qu'on me pressionne. C'est quoi ton nom déjà? Agnès. Enlève les deux S de princesse, tu seras un prince en un geste, c'est l'inverse, c'est sage. Le rap de Toff que deux issues. La misère ou la fiction. En d'autres termes, gangster ou biatch. Et toi, ton nom c'est quoi? Tupac. Enlève tes deux pattes de ton sexe, tu touches trop sur ta carrière en latex. Si je perce, c'est sans jouer les gars, c'est sans jouer les gars. Remuer les masses, pas besoin d'être dénudé comme dans un clip de Nas. Ici, c'est pas les têtes, on voit pas trop de meufs en silicone. Mais si t'es bonne, j't'assure, t'auras une chance même si t'es conne. Pour toi, il faut des gros seins, pour toi, j'ai du gros son. On m'a dit que pour signer, rien que t'as saigné et que t'as fait des concessions. Oh, y'en a marre des rappeuses qui tissent contre le poids de Mike Tyson. La tête de Tiozo, que dis-je, féminine comme Belmondo. Eh, l'ami, j'te prends gros, vas-y, remonte ton string, on dirait un homo. T'es loin d'être le king, laisse la princesse sur le ring. C'est bon, te pas, arrête tes conneries. Ouais, okay. Ici, on aime les femmes, comme le groupe spécialiste qu'on va s'écouter ouais, tout ouais. de suite. Arrête tout de suite ici, car y'a pas de place pour le sexe, frère. J'ai clashé, cassé tous tes clichés, que mon texte te plaît. Arrête s'il te plaît, tu prendras la parole quand je te la donne. J'ai changé la donne, besoin de